Vous êtes bien sage et résultat. Ce serait dommage de se brouiller pour ça. Plus tard, vous y songerez en rigolant. Vous vous mariâtes et eûtes beaucoup d'enfants. Voilà, c'est terminé. Mais allons en plage 14 pour écouter une chanson d'Alex et sa guitare. Allez, viens plutôt.